Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delvaux Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler d'hockey scolaire avec notre ami Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Danny. Simon, hier, Benjamin est éliminé. Là, je viens de m'annoncer qu'il y a une deuxième équipe qui vient d'être éliminée. Oui, deuxième équipe qui vient d'être éliminée. Là, le cadet vient d'être éliminé contre Samuel de Champlain en deux parties. Match quand même serré, c'était 2-1 jusqu'à la toute fin. Un but qui a fait mal dans les cinq dernières minutes et puis un autre but dans un filet désert. Hier, ça fut le tour des Benjamins. On est 1-0 et puis la machine de l'autre côté, c'est ouvert la machine. Là, c'était 5-1. Ensuite de ça, on remarque un but en fin de match pour 6-1. Donc, on affrontait deux très bonnes équipes, là, les deux premières de la division. Et puis, ça s'est soldé avec deux défaites. Honnêtement, c'est deux. Comme j'ai dit tantôt, c'était deux excellentes équipes. Le fait de savoir rentrer en demi-finale, là, on est très fiers de nos deux équipes là, par rapport aux attentes qu'on avait à deux. Là, c'est super bien. Et puis là, on a encore une équipe qui est active. C'est les juvéniles qui, eux, la semaine dernière, ont causé quand même une grande surprise. Ils ont battu le Bleu et Or de la polyvalente d'Arvida 2-1 en fusillade. Une équipe qui n'avait pas perdu de l'année. Okay. Fiche parfaite, deux tournois de gagner, aucune défaite. Le gardien de nos côtés a accordé 5 buts seulement dans toute sa saison. Donc on a la chance de. On les a cotés au pied du mur pour le match de samedi. Puis on va voir là, si on est capable de répéter l'exploit une deuxième fois dans un deuxième match de cette série-là. Sinon, ça va se transporter à Jonquière pour le match numéro 3 dimanche. OK, OK. Le deuxième match va jouer quand? Deuxième match samedi à midi. Okay, à Robert Val. OK, donc évidemment. Es-tu quand même content de voir ça, le reste de voir que du côté des au niveau cadet et au niveau Benjamin, que Juvenil et Benjamin, es-tu quand même satisfait de la saison pareille? On va le faire plus la semaine prochaine dans le détail. Oui, oui, énormément. T'sais, on avait aucune attente de résultats, de fiches ou quoi que ce soit là, dans nos calibres. T'sais, on connaissait pas non plus on connaissait même pas les autres équipes, on connaissait pas la Ligue, on connaissait rien. T'sais, de se rendre en demi-finale de Ligue là, dans nos deux catégories, pas de Ligue. T'sais, on était à deux matchs des championnats provinciaux dans nos deux catégories, dans notre première année d'existence. Ouais. Donc, t'sais, c'est super bien. Puis, on a compétitionné. On est allé chercher des matchs supplémentaires pour nos jeunes aussi, nos équipes. Ils ont vu c'est quoi que ça prenait pour se rendre jusqu'au bout. Puis, c'est une première année au programme. Fait qu'on va pouvoir continuer de travailler là-dessus. Puis, les camps s'en viennent là, dans deux semaines et demie, c'est les camps qui débutent. Donc, nous aussi, on va faire l'évaluation de notre personnel, de nos joueurs, et puis ceux qui veulent revenir dans le programme l'an prochain vont se présenter au camp, et puis on va retravailler là-dessus, c'est sûr. OK, OK. Ben, Simon, on va s'en reparler la semaine prochaine pour voir le bilan complet. Ça marche, merci. Voilà, donc Simon Gaudreau des Aigles de Robert.